Si demain, si demain tout s'arrête, combien seront plus là? La gomme me prend la tête pour une histoire de cul là. Gary Lafayette, j'ai Gucci sur le pull là. Le soir j'fume la verre, la bande de ma hurle. Aujourd'hui je fais des hits, j'ai dansé señorita, je vole son cœur comme Lupin. On m'a dit tout niquer, pour les pesos faut patienter. Arrête de fumer, j'en dis tu as niqué ta santé. Même si ça marche plus, je me vois plus crimer. Il me faut putain de patrimoine comme Bonaparte. Même si ça marche plus, je me vois plus crimer. Il me faut putain de patrimoine comme Bonaparte. J'sais comment les impressionner. Un million d'élastiques, un million d'abonnés. J'ai des idées bressons, je peux approvisionner. Plus de place dans mon cœur, personne va stationner. Et j'ai qu'il y en a plus d'un qui va me voir finir terre pas. J'ai dû marquer des buts, triple frappe comme un Elka. C'est tout pour la famille.